a des fois où on ne s'attend pas que notre vie bascule en bas. Il y a des fois où l'on perd tout, on pleure, on crie, on est à genoux. Le métal s'est plié comme du papier, le bruit de tôle était acéré, les sirènes tonnaient sur le pavé, l'accident venait d'arriver. Des passagers dans la voiture que l'homme imprudent a mis dans le mur. Et même s'il n'a pas fait exprès, c'est le résultat qui m'effraie.